Bonsoir, nous sommes en direct de MTC Montréal avec le Rav Maimon Pinto. Nous allons effectuer la paracha de Béchalar, excusez-moi. Et on est le 7 janvier 2014 et le 5773. Et ce cours est pour les Lounishmat de Rosalie Baturida et de la Refoua Shelema de Sim Ben Aviva et de Patricia Yael Bat Rosalie. On n'est pas ici en train de faire une dictée. Et Bezrat Hashem, peut-être ce Shabbat, je vais en parler un petit peu à propos de ce sujet et je vous laisse un peu en discuter. Ça enregistre déjà. Je ne sais pas si je devrais commencer avec le premier mot. C'est un peu trop controversial. Alors, je voulais parler un peu dans la paracha de la semaine. On parle de, évidemment, de Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Oui. Et la sortie d'Égypte, bon, les Bnei Israël, ils sortent. Be'at Chazaka, l'autre Yotram, comme on dit dans la Haggadah, avec une main de force, Hachem, il sort tout le peuple juif de Yetziat. Pas tout, 20%. Ben, ceux qui restaient du peuple juif sont sortis, parce qu'on sait que le Midrash, il dit que beaucoup d'entre eux, ils sont assimilés. Ils sont morts dans Makat Hoshef. Oui, en Hoshef. Et ils sont morts dans Makat Hoshef. Bon, en tout cas, chose à part, je voulais parler de deux choses. Deux choses qui se passent avant la sortie d'Égypte. Avant la sortie d'Égypte, il y a certaines choses qui se passent, des événements, et c'est certaines choses qui sont des commandements aussi. Hachem donne au moins deux commandements au peuple d'Israël avant qu'il sorte d'Égypte. Oui, un des commandements, c'est que les Bnei Israël devaient demander aux Égyptiens de leur donner leurs biens. Oui. Ça vous rappelez de cette histoire? Les Bnei Israël sont partis chez les Égyptiens, ils leur demandent, donnez-nous vos outils, votre argent, votre etc. Qu'on voit plus tard que l'or qu'ils ont pris, ils ont fait le veau d'or avec. C'est ça, parce que mon cher Abenou lui-même, il s'est plaint à Hachem. Tu vois, si tu m'aurais pas demandé que le blé Israël prend de l'or, ils n'auraient pas fait le veau d'or. Alors c'est un peu de ta faute, mon cher Abenou, il dit. Comme ça, le Midrash, il dit. Si ce n'était pas pour ça, mon cher Abenou, il aimait la mitzvot sur le Ham Israël. Si ce n'était pas pour ça. Mais c'est bizarre que l'Ham était plus gros. Oui, il dit, Dieu qui... Oui, ah ben, exactement. Bizatayam, Monsieur Hakag, il dit, Bizatayam, c'est que le Midrash, il dit que quand ils ont passé à Kriyat Yamsouf, ils avaient des pierres précieuses, ils avaient trouvé beaucoup de choses sur la mer. Alors pourquoi Hachem, il doit leur donner un commandement? Non seulement on voit que c'est un peu rusé, qu'est-ce que Hachem leur a dit de faire? Emprunter Tish'alou et Mitzrayim. Ils vont pas vous demander, vous allez les emprunter. Ça veut dire les emprunter. Pourquoi ils ont besoin de tout ça? C'est une chose que on voit que beaucoup plus tard, dans beaucoup de générations, beaucoup plus tard, même dans la Gemara, jusqu'à un point que la Gemara, Alexandre le Grand, oui, il avait conquis tout le monde entier. La Gemara raconte que tous les peuples sont venus devant lui et il était comme le juge. Les Égyptiens sont venus devant Alexandre et ils lui ont dit, écoutez, les Juifs, ils nous ont volé, on revend notre argent. L'argent qu'on est sorti, on le revend. Donnez-nous. Et s'ils ne peuvent pas nous le donner, on leur prend leur pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait un sage qui était là-bas, il leur a dit au sage, laissez-moi aller leur répondre et je vous assure que ça va tout aller. Et ils n'étaient pas sûrs et tout ça. Il dit, donnez-moi 3 jours, je vous réponds. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Vous vous rappelez de la réponse? Une réponse très, très, très connue. Ils sont partis, il leur a dit, viens, on fait le calcul. Combien de peuples juifs ont travaillé? Combien de gens ont travaillé? Combien d'années? 210, 220, différentes opinions. comme ils ont fait de l'or, payez-nous. Payez-nous tout ce qu'ils ont payé comme minimum wage, bon, pour un esclave. Rendez-nous cet argent, on va vous rendre. Et ils ont fait le calcul avec Alexandre. Et le calcul, c'était beaucoup plus que ce qu'ils leur ont donné. Ils ont dit, et les Égyptiens, la Gemara dit, ils ont couru. Ils ont dit, bon, on ne va pas gagner cette... C'est un midrash très intéressant. Mais du fait qu'on voit que la Torah, il y a un certain problème avec ça. C'est-à-dire que les autres nations, ils avaient cette question. Pourquoi vous nous avez menti? Alors, on veut comprendre ici, pourquoi est-ce qu'Hachem... Pourquoi est-ce que Dieu, il donne un commandement comme ça, que après, on aura des problèmes. Que les autres nations, ils ont toujours... Comme la même histoire avec Esav, oui. Tous les autres nations, ils disent, ah, Yaakov, il a volé les brachot de Esav. Explique-moi ça. Pourquoi ça devait être de cette manière? Une autre chose qui devait être de cette manière d'emprunter. Ça, c'est la première question. Que peut-être on va en discuter, mais il y a un autre sivoui qui est beaucoup plus chayard. Un autre commandement qu'on reçoit, c'est Krou umshechou lachem keves la asuet apesach. C'est le korban Pessah, le korban de Pessah que Hachem y commande au peuple juif. C'est ça, la mezouza, et de prendre le sang et de le mettre autour, etc. Mais de prendre un agneau et de faire le korban Pessah. Maintenant, la question, premièrement, c'est pourquoi un agneau? Parce que c'est leur idole à eux. Ok, alors une plus grande question. Un agneau. Tu connais cette question, Israël? Un agneau, il peut être un... Quel genre d'idole c'est un agneau? Mais moi, si quelqu'un m'aurait dit, moi, une idole, c'est un agneau, je me serais commencé à rigoler. D'ailleurs, les idoles, d'habitude, c'est un gars avec des grands muscles, je ne sais pas comment il s'appelle. Jusqu'à aujourd'hui. Zeus, ou je ne sais pas, avec des cornes, avec des épées. Un agneau? Un lion, au moins un lion. Quel genre d'idole c'est un agneau? Mais quelle puissance il a cet agneau? Ça n'avait pas de sens. Et jusqu'au point que quand les frères de Yosef ils reviennent, ils veulent s'asseoir avec Yosef, à manger ensemble. Les Égyptiens ne voulaient pas manger avec eux. Pourquoi? Parce que c'était des bergers. C'était des... C'était Toeva. Et un autre mot, exactement. C'était Toeva. Toeva, il a goï la Mitzrim. Parce que c'était des bergers. Et leurs idoles, c'était un agneau. Ils ne voulaient rien savoir avec eux. Ils ne voulaient pas d'affaires avec les Ivrim. Mais c'est une grande question que ça a à voir. Qu'est-ce que ça a à voir, l'agneau? Ça, c'est une question. Ça, je voudrais vraiment un petit peu comprendre. Deuxièmement, en répondant à cette question, on va répondre à une autre question. Pourquoi est-ce que Hachem, cette année, on a Shana Meuberet? On a 2 mois d'Adar. 2 mois d'Adar. Oui, 2 mois d'Adar. Pourquoi on a besoin de 2 mois d'Adar, vous savez? Pour balancer la... Pour se rattraper avec le retard. Ok, pourquoi on a besoin de se rattraper avec le retard? Très bien, c'est des bonnes réponses. Pour les fêtes. Oui. Que les fêtes. Oui. La Torah, elle est de Chodesh Aviv. Oui. Si on n'aurait pas 2 mois de Hadar, eh ben, il y aurait sûrement de la neige encore à Pessah. Et la Torah, elle a dit, Chodesh Aviv, t'as sous la Pessah. Ça veut dire qu'il faut être au printemps. Pourquoi? Pourquoi il faut être au printemps? Pourquoi Pessah doit être au printemps? Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? N'importe quoi. Et quand Pourim est arrivé, est-ce que ça nous fait une différence quel mois c'était? Et le miracle, c'était à Hadar. On célèbre le 15e jour de Hadar. Qu'est-ce que ça a à voir avec Davkan au printemps? C'est-à-dire, le fait que la Torah nous donne certains commandements et nous dit, voilà, c'est le Chodesh Aviv, le printemps que vous allez sortir, et vous allez faire le Pessah, ça veut dire qu'il y a quelque chose un peu, beaucoup plus profond, et beaucoup plus symbolique, qui veut représenter quelque chose avec le printemps, l'agneau. Pourquoi la Torah nous dit de sortir d'Égypte en printemps? Alors c'est comme ça. Nous, les Juifs, on compte le calendrier, c'est selon le mois lunaire, et pas le soleil. Bon, les goyim, c'est selon le soleil, 365 jours de l'année. Torah nous commande que c'est d'ailleurs aussi dans les parashot, Bachodesh Azeh, Achodesh Azachem, Rosher Chodashim. Ce mois-ci va être le début de tous les mois de l'année. Quand on compte les mois de l'année, pas les années. Pour compter les années, chaque Tishrei, chaque Rosh Hashanah, c'est un début de nouvelle année. Mais les mois de l'année vont selon Nissan, qui est le Pâques. Oui. La Torah nous dit, parce que quand la Torah elle compte Bachodesh Arishon, quand la Torah lui dit le premier mois, c'est pas Tishrei, c'est pas Rosh Hashanah, c'est Nissan. Toujours comme ça. D'ailleurs, Tishrei c'est le septième mois si on compte de Nissan. Alors nous on compte l'année lunaire et chaque année il y a 11 jours environ 10 à 11 jours qui retardent selon le système solaire par année. C'est ça. Après 3 ans environ il nous manque 30 jours 3 ça ans, chaque 10 jours ça fait un mois, on a besoin d'un mois de retard. Bon, pourquoi nous on compte selon pour les mois selon la lune, c'est une autre question, peut-être on pourra en parler après. C'est une très longue explication. Les peuples juifs, il est comparé très brièvement, le peuple juif il est comparé à la lune. Oui, parce que la lune elle n'a rien en elle-même, la lumière de la lune elle reçoit du soleil. Le peuple juif il représente la lune et Dieu représente le soleil. Que le peuple juif il est toujours, tant que c'est la galoute, on est toujours, on reçoit toujours de Hachem. On espère l'espérance toujours en Hachem. C'est pour ça que nous, on compte selon la lune. Ouais, il y a beaucoup d'explications selon la Kabbalah. On ne va pas en rentrer dans tous les détails. Ce n'est pas le point du jour. Maintenant, les sages nous enseignent dans la Gemara que pourquoi le peuple juif est sorti le mois de printemps, la saison du printemps. C'est parce que c'est le temps le plus confortable. Hachem, c'est un bon gars. Il est très gentil. Ça, il est très gentil, il aime le peuple juif et il voulait nous faire sortir au moment le plus propice, the best. Il voulait nous donner le meilleur temps. C'est quand le meilleur temps? C'est pas moins 39 dehors et c'est pas 40 degrés non plus. Ils ont dit en Australie il faisait 49 degrés. Oui. Le contraire d'ici, mais c'est non plus, c'est pas confortable. C'est des extrémités. Le temps le plus confortable, le plus court. Arrive. Au printemps. Oh, il fait beau, il fait 18 degrés, 20 degrés. C'est... Et Hachem, puisqu'il était gentil, il nous a fait sortir au printemps. Ça, c'est ce que la Gemara nous enseigne. Le chesed que Hachem fait avec le peuple juif. Mais un peu plus profondément, si on regarde, les Égyptiens, la première fois que mon cher Abenou est venu voir Pharaon. Il est venu voir Paro. Qu'est-ce que Paro? Paro, premièrement, il se prenait pour un dieu. On est tous d'accord. Le Midrash, il dit qu'il n'allait jamais à la salle de bain devant personne. Il allait juste le matin. Il allait en île et il faisait ses besoins en cachette pour que tout le monde le prenne pour un dieu. Parce que tout le monde se disait, mais il ne va jamais faire ses besoins. Personne ne le savait. Il allait au Nil, personne ne le savait, et il se prenait pour un dieu. Non, le Nil aussi représentait quelque chose de beaucoup très fort. L'Égypte se trouve dans un désert. Et le miracle qu'il y avait en Égypte, un des miracles, c'est que le Nil, il donnait de l'eau pour toute l'Égypte. Les Égyptiens, ils ont même construit de certaines façons que ça va donner de l'eau partout en Égypte. Canalisation. C'était une invention. Les Égyptiens à ce temps-là, c'était comme l'Empire romain. C'était comme les Grecs. Ils ont tout inventé. Ils étaient très civilisés, ils étaient très modernes. Tout ce qui était science, c'était eux. Ça veut dire que quand mon cher Abenou l'a vu la première fois, qu'est-ce qu'il lui dit, Pharao? Mais lo yadati et Hachem. Hachem, quand on regarde le nom, je ne connais pas Dieu, il lui a dit. Moi, je ne reconnais pas ton Dieu. Quand on regarde dans le mot Hachem, il ne lui dit pas Elohim. Il ne lui dit pas Alef Dalenun Yud Adnai non plus. Il lui dit Hachem Yud Kevavke. Hachem, ça représente que le nom de Dieu, la façon qu'il est au-delà de la nature. Il y a la nature, Oui, Hachem aussi il conduit la nature. Aujourd'hui, j'avais une discussion avec un jeune homme. Il dit, non, écoute, la Torah, c'est plus haut que la nature. Et il y a la nature. Non, chas v'shalom. La Torah, la nature aussi, elle est Dieu. D'ailleurs, Elohim, quand on prend le mot Elohim, mais moi, je ne le dis pas comment qu'il faut le dire. C'est avec un hey. Aleph, lamed, hey, yud, même. C'est le gematria, hateva, la nature. Le nom Elohim représente la nature. C'est comment, comment Hachem il dirige le monde. D'ailleurs, il y a deux interprétations dans Teva. Teva en hébreu, ça veut dire la nature. D'avoir Tivi, qu'est-ce qui est naturel, comme les scientifiques qui disent ça. Et il y a aussi Teva, mais la chante Tavoura. Ça a été comme Tabat. Et il y a aussi, on a parlé une fois peut-être de ça, Tovea. Tovea, ça veut dire qu'il se noie, il est noyé. Ça veut dire Teva, ça veut dire que c'est Hachem qui dirige le monde à chaque moment et c'est Hachem qui contrôle le monde et qui crée le monde à chaque instant. Mais cette présence, elle est noyée dans la nature. Ça veut dire qu'elle est noyée, elle est dissimulée, on ne peut pas la voir. Ça veut dire Teva, ta voix. Mais en vérité, les philosophes juifs, ils disent. Et la Kabbalah, elle explique que même la nature, c'est au-delà de la nature. C'est un miracle. Un miracle, c'est pas la nature. Un miracle, ça vient, ça arrête toute la nature. La nature elle-même, elle est aussi un miracle. Sauf qu'ils disent, une personne, si maintenant vous allez voir quelqu'un qui va s'envoler, la première fois que vous allez le voir, c'est incroyable. Deux fois, trois fois. Si vous allez le voir tous les jours, eh ben, ça va être naturel. C'est une manifestation naturelle, c'est plus un miracle. Alors ils disent que Teva, ça veut dire le Teva aussi, c'est un miracle, sauf que ce miracle, il est dissimulé dans ce que on perçoit, notre conscience, etc. Alors, par haut, en disant à Moshe Rabbeinu, nous retournons maintenant à Moshe Rabbeinu, il dit, moi, ce qui est au-delà de la nature, je ne reconnais pas. Le Yud Kevavke. Il connaît le Yud Kevavke? Non, Ani Ani Loyadati et Hashem. Mais il m'a dit le nom de Dieu, Paro? Oui, oui, dans les versets Elsem. Parce que, non, parce qu'il le connaissait de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est venu dans lui, il lui a dit, moi je suis envoyé par Adonai, Elokei Israël, etc. Chez l'Avraham, Mitzra, Kiato, etc. Et il lui dit, Loyadati et Hashem. Mais Moshe, comme Dieu envoyait à Israël, il a dit quel nom religieux. Hein? Ah, ça c'est ce que. Oui, ça c'est ce que. Ce que Moshe. Les paroles, il connaît les noms plus hauts. Non, non. Ce que Hachem là-bas avec Moshe Rabbeinu, ouais. C'est que Moshe Rabbeinu il disait qu'est-ce qu'il va dire au peuple juif. Oui. Chazak. Quand Moshe il est venu devant Paro, il lui a dit le nom d'Hachem. Il lui a dit, c'est moi je t'ai envoyé par Yudke Vavke, le nom d'Hachem, et il veut nous sortir d'Égypte. Alors il lui a dit, ce Yudke Vavke, moi je ne le connais pas. Il le connaissait à travers de Moshe Rabbeinu. En d'autres mots, Moshe Rabbeinu, la Kabbalah, elle dit, les Mitzrim aussi, c'est quoi le point ici? Les Égyptiens, Paro lui-même aussi, ils croyaient qu'il y avait un Dieu. Mais c'est un Dieu des dieux. Le Dieu de tous les dieux. Mais la nature, ici, il y a des autres dieux. Il y a le soleil. On sait que beaucoup d'idolâtres, ils servaient le soleil. Le soleil, la lune, plein de choses. Les étoiles, les anges. Il y a beaucoup d'idolâtries qui... Le Rambam, il rapporte qu'il y a certains qui servaient l'ange Michael, l'ange Gabriel, l'ange Raphaël. Chacun a fait des idolâtries. Ça veut dire qu'il disait que, oui, il y a un dieu. Mais Dieu, il a donné de la force aussi aux autres serviteur, à ses serviteurs, qui est le soleil, qui est, etc. C'est-à-dire que les Égyptiens, eux-mêmes, leur idole, c'était la nature. La nature représentait pour eux tout. Parce que ils recevaient de l'eau du Nil, qui était aussi, et ils louangeaient quoi? Ils louangeaient la nature, et l'homme qui a su comment prendre la nature et l'utiliser pour son propre bien. Et ça, c'était leur Dieu. Et ça, c'est ce que Moshe Rabbeinu, il confirme à Moshe. Excusez-moi, ce que Paro il confirme à Moshe. Ani Hashem lo yadati. Ce qui représente les choses qui sont au-delà de la nature, des miracles et tout ça, je ne reconnais pas. Moi, je reconnais la nature. Si tu veux me parler de Dieu de la nature, pas de problème, on peut se parler. Mais ce qui est au-delà de la nature, je ne connais pas, j'en crois pas. Non, ça explique, d'après ça, ça explique alors les 10 plaies qu'ils ont pris. Les 10 plaies ont été instaurées pour frapper la terre, c'est-à-dire de façon naturelle, c'est-à-dire les grenouilles, les sauterelles, les ça. Animaux. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la nature elle-même s'est révoltée contre les Égyptiens. 100%. C'est la nature elle-même qui se révolte contre les Égyptiens. Alors, maintenant, retournons un petit peu à ce qu'on était en train de dire. Maintenant, pendant le printemps, hein, le printemps, c'est quel mazal? C'est trop. Aries. C'est quoi un Aries? Le lion. Un bélier. Bélier, oui. Le temps du printemps, hein, c'est le bélier. C'est ça que ce que représente. Maintenant, je vous demande, le bélier, il n'est pas fort, hein? On lui fait la shrita tous les jours. Le bélier, il représentait quelque chose de beaucoup plus profond. Il représentait, pour les Égyptiens, c'était un symbole de la nature. Parce que quand est-ce qu'on voit la nature fleurir le plus? Le printemps. L'été, tout déjà fleuri. Oui. Mais la force de le renouvellement de la nature et sa force à son pic, comme on dit, ça, c'est exactement au printemps. Le temps du printemps. Hein? Non, le mazal. Le mazal qui est le temps du printemps, c'est le bélier. Pourquoi le bélier? Pourquoi la fleur? Pourquoi la fleur? Il y a 12. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Hachem il a fait que ça soit Harry? Dans le printemps, il y a plein de choses qui se manifestent. Il y a tout. Il y a les poissons qui fraient, il y a les fleurs qui sortent. Mais quand tu regardes. Oui, je comprends ta question. Tu regardes l'astrologie. C'est quoi le. C'est quoi? C'est Hachem, c'est Dieu qui a fait de ça, cette Maya. Dans la Torah, on en croit. Mais oui, le Rambam il rapporte. Quoi, avec les poissons, balances, bien sûr. Il y a certaines étoiles. Ah oui. Bien sûr, le Rambam il en parle. Ça, il en parle. Les Égyptiens connaissent ça. Oui, les Égyptiens ils étaient des grands astrologues. Oui, Ramène au début. Rapporte que les Égyptiens ils étaient. Ils étaient des grands chachamim dans tout ce qui était des choses comme ça. Dans les passages, il y a un moment donné où Paro il dit il a demandé. De la naissance de Moshe, il a dit, ils ont demandé les Ra'a. Oui, exactement. Oui. Et quoi, ça s'est écrit par Hachem? Comment c'est le chant du Midrash? Asselinim. En tout cas. C'est de l'univers. Hachem, il a créé l'astrologie aussi? Bien sûr. Ça veut dire Hachem, il a créé les étoiles. Mais des étoiles, ils ont fait de la Vodazara. Nous, dans l'astrologie, d'ailleurs, quand. Il y a Mazal Talé, il y a Mazal Betula, il y a Mazal Dag, Moznaim. Ça existe dans la Torah. Maintenant, ce qu'on fait, les gens qui ont fait ça d'un certain. Comme un dieu, qu'ils vont juste sur ça, que voilà, l'astrologie, et je crois à tout ce qu'ils disent, ça c'est déjà quelque chose que... C'est une autre chose. Mais le Rambam lui-même, il dit qu'il y a certaines étoiles à chaque mois qui s'illuminent, et ils ont des formes de bélier, ou de taureau, ou de, etc. Ça existe dans la Torah. Sauf que, encore, le Rambam, il dit dans ma serre, dans la Chod de Avodah Zara, le Rambam, il rapporte comment est-ce que les gens ils ont commencé à faire de la Avodah Zara. C'était au temps de Enoch. Hein? Voilà, le temps de Enoch, ça commence comme ça. Les gens, au début, ils croyaient, ils savaient qu'il y avait un Dieu. Mais les générations, de plus en génération, et ils ont commencé à voir de la bracha du soleil. Ils voyaient que le sonner leur donnait la bracha. pour avoir, quand il a bourré la terre, il y avait la pluie, il y avait les nuages, il y avait le soleil, il y avait... ils ont réalisé que Hachem, peut-être qu'il a aussi des serveurs. Ils ont des hein? C'est ça, des shluchim. Arbe shluchim la makom, l'avdil. Il y avait beaucoup de shluchim et il avait aussi ses servants. Et ses servants lui servaient à donner des brachot. Jusqu'à présent, on a ces choses-là. Ce n'est pas quelque chose de très bizarre. Chez les Indiens, jusqu'en Inde, ils ont beaucoup de choses. Dont, la vache. Hein? Ils idolâtrent la vache. La vache, ils ont aussi un temps que... Ils ont un truc, je sais pas, j'ai des millions de personnes, ils vont sur un temps que ils, hein, ils sautent dans l'eau à un certain moment de l'année que la mesure d'eau elle monte. Ils ont tout un truc. D'ailleurs, un kibboutznik, une fois, il nous a raconté cette histoire. Un kibboutznik, c'est un personne assez... il était très intelligent comme personne. Je pense qu'après, il est devenu un docteur, etc. Il a dit qu'il était parti avec trois de ses amis, là-bas. Et ils étaient tout prêts. Pendant, ils ont planifié tout le voyage pendant, je pense, 2 ans. Ils vont aller ensemble, etc. Ils ont fait tout. Tout avant les préparations en vont, ils ont mis aussi les habits, etc. Et c'est close d'une minute que la vague, elle vient, tout le monde sent dedans, je ne sais pas exactement. Il a dit, au moment qu'il devait le faire, il ne sait pas qu'est-ce qui lui a pris, il ne pouvait pas le faire. Ses deux amis, ils ont sauté dedans. Et lui, on voit la neshama d'un juif. Au moment qu'on lui dit, écoute, fais de la Avodah Zarah, même qu'il n'en croit en rien, il ne peut pas le faire. Il n'y arrivait pas. Le nitzotz d'un juif, il ne pouvait pas venir le faire. Bon, bref, retournons maintenant aux Égyptiens. Les Égyptiens, le bélier représente pour eux la nature, parce que c'est le temps que la nature a le plus de force, que la nature se renouvelle, elle fleurit, etc. Alors pour eux, ce qui représente de la force, c'est la nature. C'est pour cela, leurs idoles, c'est un bélier. Parce qu'encore, c'est pas la force du bélier, c'est pas le bélier physique, là, le petit, qu'on l'attache à un lit et il bouge pas, comme les juifs, ils ont fait. Le bélier représente pour eux quelque chose de beaucoup plus profond. Il représente la nature. Ce qui est pour eux la force de toutes les forces. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, tous les scientifiques, ils croient quoi à la nature? C'est pour eux, c'est la nature et c'est fini. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Shalom, il n'y a pas de rien. C'est la nature. Alors Hachem, c'est pour cela qu'on comprend pourquoi aussi Hachem, il décide de le faire sortir au printemps. D'après au moment, quand Hachem dit au Bnei Israël, prenez le bélier, attachez-le au lit pendant combien de jours? 4 jours. Oui. Du 10e jour de Nissan jusqu'à Erev Pessah, qui est le 14e jour, il attache le bélier à côté du lit devant tous les Égyptiens. Hein? Pour leur montrer que leur Dieu, plus ou moins, est rien. Qu'il y a un Dieu beaucoup plus fort. Et donc, Israël. Et Hachem fait sortir le peuple juif, pas pendant. Regardez, si Hachem il aurait fait sortir le peuple juif en hiver, qu'est-ce que les Égyptiens ils auront dit? Ah, votre Dieu il est fort en hiver quand la nature elle est en train de dormir. On veut le voir sortir en printemps. C'est une déclaration, le keves, là, le bélier qu'il faut l'attacher. C'est pas juste un. C'est, la Torah nous enseigne des choses. C'est pas des choses simples comme ça, prenez un bélier, ça représente. Tout ce qui est contre les Égyptiens, tout ce qui est contre la nature des Égyptiens, c'est le bélier, c'est la nature. Il faut lui faire la shrita. Le Zohar, il rapporte toutes les choses qu'il faut lui faire, il faut le plier, il faut... Toutes les choses qu'on fait pendant le Korban Pessah au temps du Beit HaMikdash, c'était toutes les choses pour être... pour être machnia. Oui, de lui enlever les os, de le faire tourner, de le faire... Toutes les choses qui représentaient des choses beaucoup plus spirituelles, qui représentant notre déclaration contre le Dieu de la nature. Pas Chas V'Shalom que la nature est pas bien. Non, on veut dire que la nature, c'est Dieu lui-même. la nature et Hachem, c'est pas deux différentes choses. Quand mon cher Abenou, et quand Avraham Avinu il est venu, il a annoncé le Rambam, retournant au Rambam concernant la Avodah Zara. Il dit toutes les générations qu'ils ont fait d'idolâtrie jusqu'au Avraham. Avraham il est venu, il a dit il y a un seul Dieu. C'est le père de toutes les religions monothéistes, oui. Rambam, le Rambam il dit il y a un seul Dieu. Et la Gemara elle dit Vaikra Beshem Hashem. Que Rish Lakish dit Adikra Vaikra, elle va écrire. Avraham Avinu il fait reconnaître à tout le monde qu'il y a un seul Dieu. Et que le Dieu, quel Olam, lequel a Olam, la Gemara dit, c'est pas qu'il y a Dieu, il y a le monde, et il est, c'est différent, il y a Dieu, il y a lui, et il y a le monde. Comme le Tehillim. L'Hachem, Shamaim, Shamaim, l'Hachem. Oui, les gens qui croyaient à ça, les philosophes grecs, qui disaient Shamaim, Shamaim, l'Hachem. Les cieux sont pour Dieu. Ve'aretz Satan ibn Adam. Non. Dieu et le monde est une seule chose. C'est Hachem qui dirige le monde. C'est pour cela Hachem il fait sortir le peuple juif juste au temps que la nature elle fleurit, juste au temps que il y a les fleurs et ça pousse. Exactement à ce moment, l'aîné kola amim, aux yeux de toutes les nations, Hachem il fait sortir le peuple juif. Après avoir égorgé le bélier, qui est l'idole des Égyptiens, et autant que la nature elle est tout à fait réveillée, Hachem il fait sortir le peuple juif d'Égypte. C'est pour cela, on trouve maintenant, c'est un peu plus profond, mais on comprend un peu mieux. Que la Torah, c'est pas juste des histoires là. On va sortir en printemps parce que c'est, on peut bien se bronzer. On va sortir. Non. Ça représente quelque chose de beaucoup beaucoup plus profond. Mais non, je vais voir si on peut faire un petit peu. Je vais essayer de. Je dois partir vraiment à 9h aujourd'hui aussi. Vous m'excuserez parce que je dois être quelque part. C'est. Hein? T'as quoi, le quoi? Oui. Oui, Elohim, mais avec un hey, pas comme je le dis. Oui, il ne veut pas prononcer le mot. Oui, je veux pas. Alors le hey, ce mot, c'est gematria hateva. Non, pas teva, mais hateva. C'est le même. La nature, c'est des miracles de Dieu. 100%. 100%. Maintenant, retournons à la question que j'ai demandé à. La, en répondant à la deuxième question, on a répondu à la troisième question. Non, là, on a répondu à notre question, on avait trois questions. La première question, c'était pourquoi ils devaient demander de l'argent et de l'or, etc., des Égyptiens. Ils n'en avaient pas besoin. La deuxième question, c'était qu'est-ce qui représente le bélier? On a répondu à ça. En répondant, qu'est-ce qui représente le bélier? On comprend aussi pourquoi Hachem a fait sortir le peuple juif pendant le printemps. Parce que le printemps, même que c'était un bon temps pour sortir, comme nos sages nous ont dit, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond, parce que au printemps, le bélier, qui est le mazal de ce temps, c'est le mazal, c'est pour cela, ça représente la nature, c'est pour cela, les Égyptiens, leurs idoles, c'était le bélier, parce que ça représente la nature, et Hachem les fait sortir spécifiquement au temps où la nature, elle est à son sommet. Maintenant, retournons à la question que concernant les choses. Moi, j'ai regardé plus ou moins partout, dans tous les commentaires qu'on peut trouver. J'ai pas vraiment. Il y a beaucoup de commentaires qui s'expliquent. Tish Elou, emprunter, ça voulait vraiment dire donnez-nous. Ça veut dire des choses. Ça veut dire qu'on. Qu'est-ce que moi j'ai tiré de tout ça? Que c'était vraiment un problème. C'est-à-dire, du fait qu'on voit que le commentaire, ils essayent d'expliquer, de donner des réponses empruntées, ça veut dire, et il y a un commentaire qui dit qu'il rapporte des sources, Tish Elou, emprunté, dans la Torah, il en amène, je ne sais pas combien de preuves il amène, ça veut dire aussi donne-moi, de donner, pas juste d'emprunter. Et il amène plein de sources. Juste pour expliquer que quand les Juifs, ils ont demandé, donc, c'était pas vraiment d'emprunter, c'est de... Mais le fait qu'on voit qu'il essaie d'être métarrête, c'est de donner des questions, ça veut dire qu'il y a un problème ici. Ça a causé beaucoup de problèmes. D'ailleurs, après l'Holocauste, oui, il y avait tout un groupe qui était contre de prendre de l'argent des Allemands. Pourquoi ? On peut donner un prix sur tout ce qu'ils ont tué. Voilà. Parce que ça va juste calmer leur conscience. Au moins, on les a payés. Mais à la fin, on sait. Ça va calmer leur conscience. Au moins, on a payé. On est en train, ils payent toujours, d'ailleurs. Je pense qu'ils sont toujours en train de payer. Mais il y avait un groupe qui était dans l'Holocauste eux-mêmes. Ce n'est pas juste des gens comme ça. Qui étaient contre. Ils ont donné de l'argent. Ils ont tué nos pères, nos grands-parents, nos enfants et tout ça. Ils n'ont pas tué, c'est comme l'histoire. Quelqu'un a dit que, je pense, c'est l'Admor Misat Mer, il a dit, quand ils ont tué un homme, ils n'ont pas tué un homme, ils ont tué des générations. Parce que lui, il avait des enfants. Ses enfants, il avait des enfants. Il avait des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Ils n'ont pas tué une personne. Chaque personne, c'était un monde. Et nous, on va donner un prix sur ça. Non, non, non. Qui reste avec leur conscience. Qui se souvient toujours, comme les Québécois ils disent, ils écrivent, je me souviens. Ils n'oublient pas. Je me souviens aussi, non, on va jamais. L'olam lo nishkach. Maintenant, retournons à ça. Je vais vous dire, il y a un verset ici, dans Devarim. Je vais partager ce verset avec vous, parce que je pense qu'il est incroyable. D'ailleurs, la première fois que Hachem il rapporte et il demande au peuple juif d'emprunter les choses des Égyptiens, c'était quand ? Pas juste pour, mais c'est quand ? C'est quand qu'il aura demandé ? Non, c'est quand qu'Hachem dit la première fois, il dit au peuple juif de demander aux Égyptiens de leur donner toutes leurs biens. C'était autant la première fois que Hachem se révèle à Moshe Rabbeinu. C'est incroyable. Il se révèle, c'est ça qu'est-ce qu'il lui demande. Il dit, voilà, je suis... Basné, quand il se révèle à lui dans le Sné, il lui dit, je suis le Dieu, etc. Et je veux que tu commandes au peuple juif quand ils vont sortir d'Égypte. C'est tellement important. Au temps d'une révélation, la première fois que Hachem il se révèle à Moshe Rabbeinu, il doit lui parler de ces choses. Quelque chose ici... Quelque chose qui est très très... Alors, quand on regarde ici, vraiment, il faut passer, je pense, presque toute la Torah pour vraiment comprendre c'est quoi le message ici. Quand on passe ici, Parashat Re'e, dans le livre de Devarim, ouais, c'est presque à la fin de tout le Chumash, c'est rapporté comme ça. Et il dit comme ça, je vais le lire en français, comme ça on va sauver un peu de temps. Si ton frère, un hébreu ou une femme hébraïque, t'est vendu, il te servira 6 ans et la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Oui. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu le renverras pas les mains vides. Comble généreusement du produit de ton bétail, de ton aire, de battage et de ta cuve à vin. Ce dont Hachem, ton Dieu, t'aurait béni et tu lui en donneras. Tu te souviendras que tu étais esclave dans le pays d'Égypte et que Hachem, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je t'ordonne cette chose-là aujourd'hui. Ça a à voir avec les gens. Qu'est-ce que Yetziat Mitzrayim a à voir avec envoyer parce que, ok, bon, c'est bon, on comprend que... Rappelle-toi, tu étais esclave. Mais les Juifs, ils n'avaient pas le droit d'en vouloir aux Égyptiens. Ils avaient le droit d'en vouloir aux Égyptiens qui les ont fait travailler pendant 210 ans. Et ce qui est encore plus tard, on voit une autre chose. Lot et Taev et Domi qui achichaou. Lot et Taev Mitzri. Qui guerre Aïta Beartso. Ça, c'est vraiment important ce que Moshe Rabbeinu dit au peuple juif. Tu ne rejetteras pas l'Édomite car il est ton frère, tu ne rejetteras pas l'Égyptien car il était, car tu étais résident dans son pays. Bon. C'est résidence malgré nous, ça. Non, le temps des esclaves. C'est ça, c'est malgré nous. Moi, je pense qu'il y a... Qu'est-ce que ça a... Premièrement, qu'est-ce que ça a à voir avec ce... Est-ce que le peuple juif, ils n'avaient pas le droit d'en vouloir? Mon cher Abbé, il leur dit, écoutez très bien, vous n'avez pas le droit d'en vouloir aux Égyptiens. C'est votre frère. Non, et non seulement... Hein? Oui, les Égyptiens aussi. Excusez-moi, tu ne recevras pas les Égyptiens car il était résident dans son pays. Excusez-moi, oui. Les Domites, c'est ton frère. Les Égyptiens, tu ne le rejetteras pas, etc. Ça veut dire que mon cher Abbé nous leur dise, vous n'avez pas le droit d'haïr les Égyptiens. Tu n'as pas le droit de le rejeter. Et je pense, ici, c'est vraiment la réponse qu'on trouve. Pourquoi Hachem, il demande au peuple juif de leur donner, de leur demander quelque chose. Quelque chose de moralement... Mon cher Abbé, il comprend que un peuple ne peut pas commencer une nouvelle page en vivant toujours dans le passé. Le passé, ça représente de la haine. Le peuple juif, il déteste les Égyptiens. On comprend pourquoi. 210 ans d'esclavage, c'est assez fort, non? Alors, mon cher Abbé, il leur dit... Vous devez oublier, nous, le peuple juif, il y a une différence entre vivre dans le passé et vivre avec le passé. Vivre dans le passé, on le vit. On est obligé chaque jour, Zecher Letziat Mitzrayim, on le dit chaque jour. À chaque jour, on le dit presque partout, dans le Kiddush, on le dit dans Tzitzit, oui, le Ma'atis Keru, Sherayov Dechem Beret Mitzrayim. C'est une mitzvah de toujours se rappeler de l'Égypte. Mais se rappeler de l'Égypte, et la Haggadah, bien sûr, certainement, si pour Yetziat Mitzrayim, c'est se rappelant d'Égypte, pas comme haine, pour avoir de la haine. C'est pour continuer. Le peuple juif, il vit pas avec le passé, il vit dans le passé pour le futur. Mon cher Abbé nous le dit ici, vous ne pouvez pas recommencer une nouvelle vie si vous allez être un peuple de haine. Vous ne pouvez pas. Parce qu'une personne qui vit dans la haine ne peut jamais commencer une nouvelle table. Parce qu'il vit toujours avec le passé. Il haït, il ne peut pas recommencer. C'est pour ça. Alors maintenant, hein? Non, c'est la raison qu'on a accepté alors les Allemands. Parce que maintenant. Possible. Moi, j'ai pas dit ça. Mais attends une seconde. Parce qu'il est marqué dans le début du passage que c'est Av, Ta et Domi. Ouais. Les Domi, les Allemands, c'était des Édoms. Alors on doit les aimer. Hein? C'est pas écrit que tu dois les aimer, mais ne pas les. Il y a une grande différence d'aimer quelqu'un et ne pas le haïr. Moi, je ne suis pas obligé d'aimer un non-juif. Je suis obligé, non, mais je ne suis pas obligé de me battre avec lui non plus et de le haïr. Comment ils disent que Edom, c'est mon frère dans ce passage? Hein? Comment ils disent que parce que Edom, c'est mon frère, Edom, c'est un frère? C'est une bonne question. Mais Edom, je vais juste finir avec les Égyptiens, après j'essaie de passer à l'Edom. Alors, d'ici, on voit, juste le dernier point, d'ici, on voit aussi, bon, le message, il est assez clair, et mon cher Abbé, il persiste. Il persiste. Vous n'allez pas rejeter les Égyptiens parce que vous étiez. Tandis que mon cher Abbé a dit, l'esclave, quand tu l'envoies pas avec les mains vides. Pourquoi? Parce que même que l'argent ne vient pas récompenser pour toutes les années d'esclavage, il n'y a aucun argent dans le monde qui peut récompenser pour 210 ans d'esclavage. Mais l'argent, elle vient pour commencer une nouvelle page. Dans une place où il y a des cadeaux, c'est très dur de trouver de la haine. Alors, mon cher Abbéno, Hachem leur dit, pour que le peuple juif puisse, c'est pour le propre bien du peuple juif, spirituellement, pas juste physiquement, parce que, comme M. Raka qui l'a dit, ils ont trouvé de l'argent dans Kriyat Yam Souf, ils ont trouvé des pierres précieuses. Pour recommencer une nouvelle vie, une nouvelle page, il faut quitter. Tu sais, on disait toujours une blague. On peut toujours sortir le Marocain du Maroc, mais on ne peut pas sortir le Maroc du Marocain. Un Marocain, tu peux le prendre, tu le mets au bardo, mais il va rester Marocain. Oui, on peut sortir le peuple juif d'Égypte, mais l'Égypte, on ne peut pas la sortir du peuple juif s'il y a de la haine. Il y a toujours, on est toujours attaché au passé. C'est pour ça Hachem leur demande de prendre l'argent pour qu'ils puissent commencer une nouvelle page. Edom, c'était quoi le problème de Edom? Lotitav, Chichaou, Esav, c'est le frère de Yaakov. Okay, ils sont de Edom. Oui. Alors quoi, alors maintenant, un Allemand aujourd'hui, s'il vient se convertir, est-ce que tu as le droit de le prendre? Bien sûr, obligé. C'est ça qu'est-ce qu'il parle. Yahicha, s'il vient, il veut se rapprocher à toi, tu n'as pas le droit de le rejeter. D'ailleurs, ils en ont trouvé un. En Russie, ou je sais pas où, en Chabad,